Eh bien, bonjour, bonjour, c'est Dominique sur Radio Gemozo 107 FM. Aujourd'hui, je vais vous lire une petite histoire racontée par Annie Proulx, parue aux éditions Grasset. Annie Proulx est une écrivaine américaine du Connecticut, née en 1935. Elle a reçu le prix littéraire du Pulitzer et il y a un film qui a été adapté par l'une de ses histoires. Donc aujourd'hui, le titre, c'est « En location ». Les trois frères, Bitstrup, Tug, Bobby et John, entrèrent dans le bar et leurs regards se dirigèrent aussitôt vers Amanda. Signe, elle le savait, qu'il lui apportait une mauvaise nouvelle. Comme l'équipe des poseurs de clôture réservait en général sa clientèle au Moody's Hall, leur apparition au Pee-wee fit sensation. Chacun des présents jeta un coup d'œil de leur côté, un coup d'œil simplement. Nul ne les fixa. Les habitués du Pee-wee avaient du sang-froid et ils en étaient fiers. Quand des étrangers envahissaient le bar, ils gardaient un calme parfait, mais aucune nuance insolite de comportement et de langage ne leur échappait. Tout était enregistré et commenté à loisir ultérieurement. Les visages étaient restés impassibles quand cinq moines bouddhistes tibétains en robe orange étaient entrés et avaient commandé du thé. Ces moines étaient de petite taille et avaient une allure de chat. Il émanait d'eux la même impression de puissance musculaire que de cavaliers de rodéo. Après leur départ, Hardwinter Hulf avait dit « J'aimerais pas que ces gars-là me prennent en grippe ». Et quand deux couples bruyants de noirs, descendus d'un vieux cabriolet immatriculé en Louisiane, avaient commandé de la tequila, requête qu'Amanda n'entendait formuler qu'une fois ou deux dans l'année, personne ne s'était permis la moindre remarque ni ne les avait même regardés en face. Toutefois, lorsque l'une des femmes, l'air de blaguer, avait interpellé Amanda, celle-ci fourrageait au fond du rayon à l'endroit où elle rangeait les bouteilles dont elle se servait rarement et lui avait dit « Tu te grouilles, sœurette !» La remarque s'était gravée dans les esprits. Les Bitstrup avaient la peau presque noire à force d'être brûlée par le soleil, des yeux rouges à cause de la poussière alcaline et du vent, des vêtements en lambeaux avec d'innombrables déchirures qui, avec le temps, bouffaient en petites floraisons de fil. Leurs mains étaient tailladées et couvertes de croûtes. C'étaient les coupures occasionnées par le maniement du fil de fer barbelé. Ils portaient des bottes d'une solidité à toute épreuve et l'un des frères avait encore ses guêtres de protection contre les piqûres de serpents. Quant à Bobby, le ruban de son chapeau était un tortillon de fil électrique pour clôture. « Tug, mugit Bob Utley, ce fermier jovial était un inlassable casse-pied. Tug, on dirait que ta femme t'a griffé du haut en bas. » L'aîné des Bitstrup sourit faiblement de la plaisanterie éculée sans quitter Amanda des yeux. Trois bières avec de la gnôle ? Elle installe avec soin les consommations devant les poseurs de clôture. Rude journée ! Amanda prenait un détour pour s'informer de la nouvelle, la mauvaise nouvelle. Ces hommes installaient une clôture chez elle. Oh, normal, mais tu as un drôle de voisin. Tu parles, une grosse société d'Anvers, et Otis Wainwright's Ranch est le plus odieux gérant de ranch de toute la région. Qu'a-t-il donc fait aujourd'hui? La nuit dernière, intervient Bobby, on a terminé la clôture vendredi. Et la nuit dernière, ils l'ont sectionnée. Tug avale son whisky et rote. Je pense que le coupable, c'est le type qui travaille pour Howard, Brick quelque chose. J'ai l'impression qu'il a fait de la prison. Il est tout tatoué. Tu as dû avoir 300 vaches sur ton terrain. » De nouveau, Bobby se met à avoir son grain de sel. « Et ces vaches, elles sont déchaînées, comme des vaches de cirque. Elles sautent et galopent comme des cerfs et nagent comme des poissons, y compris les petits veaux. C'est des vaches sans pitié. » Comme d'habitude, John, le plus jeune, ne dit rien. Quelques années plus tôt, la photo de John Bidstrup avait fait la couverture du Western Cowboy. Il s'agissait de la reconstitution d'un cortège de cavaliers chevauchant sur une des anciennes pistes de pionniers. À l'agence Guy Mark, agence à l'affût des jeunes talents promis à un avenir dans le Western, une secrétaire avait vu la photo du beau jeune homme de 20 ans qui en jetait avec ses jambières, sa veste de peau et le bout d'étoffe azuréille flottant au vent qui mettait en valeur la couleur de ses yeux. Elle en avait eu le souffle coupé. Elle avait montré la photo à Guy Mark qui avait tout de suite imaginé qu'il tenait un nouveau Robert Redford. Il s'était précipité lui-même à Elk Tooth et avait persuadé John que la fortune l'attendait à Hollywood. John, qui ne savait pas qu'il était beau, avait déclaré qu'il était prêt à tenter sa chance. Mais une fois qu'il fut arrivé sur la côte californienne, Guy Mark se rendit compte que ce petit si prometteur ne réalisait pas pleinement l'idéal présent de beauté masculine. John avait des lèvres trop minces. Comme tous les Bidstrup, il avait une petite bouche aux lèvres presque invisibles qui lui suffisait sûrement pour manger, parler ou même esquisser un sourire. Guy Mark lui expliqua qu'il pouvait espérer un beau rôle dans un film en préparation. Ce film évoquait la fameuse guerre du Johnson Country, mais en l'envisageant d'un point de vue original. Au lieu d'être provoqué par l'arrogance et l'avidité des grands éleveurs, la révolte des petits propriétaires était présentée comme la conséquence d'une violente tornade. Selon Guy Mark, le rôle du jeune fermier, dont la maison est balayée par la tornade, qui perd toute sa famille et tourne mal, était taillé sur mesure pour John. Mark persuada celui-ci que grâce à des injections de collagène, il aurait une bouche au dessin idéal qui lui permettrait de décrocher le rôle. Mark se portait garant du succès et se déclara prêt à payer l'intervention. Le résultat fut déplorable. Le jeune Bidstrup se retrouva avec une bouche qui faisait penser à deux gros vers de terre se bousculant pour avoir la meilleure place sur son visage. Pauvre visage qui maintenant semblait boudeur et déformé. Au bout de peu de mois, John était de retour à Elk Tooth et édifiait de nouveau des clôtures avec ses frères. « Nous avons chassé presque toutes les vaches de l'autre côté du ruisseau, » reprend Tug. « Mais elles ont fait des dégâts sérieux dans le jardin, et puis il en reste encore là-bas. » Amanda leur reverse à boire. Sa main tremble un peu, sans doute le poids de la bouteille. « Le pire, » ajoute Tug, « c'est que Wrench nous a proposé un gros travail. » On gagnerait assez pour tenir jusqu'à l'année prochaine. Oh mon Dieu, Amanda est anéantie. Elk Tooth est situé dans la vallée du Dog Ear Creek, sur le versant occidental de l'Angle Iron. 70 kilomètres plus bas dans la vallée s'élève la ville de Sac, qui est plus importante et dont le grand magasin Walmart draine à peu près tout l'argent que les gens gagnent dans la région. À ceci près que les trois bars d'Elk Tooth sont supérieurs à ceux de Sac et attirent une nombreuse clientèle qui vient parfois de très loin, de Big Piney ou même de Thermopolis. De ces trois bars, le plus populaire est le Pee-wee à cause de son atmosphère très 19e siècle. Bière, fumier, whisky, rubans de chapeau trempés de sueur, poêle brûlant, poutre poussiéreuse et l'odeur pénétrante de l'encens. Faussement baptisé Pin Lane, qu'Amanda, la bermane, fait brûler en permanence. Les autres bars, le Muddy's Hole et le Silver Tip, ont leur clientèle attitrée, mais c'est le Pee-wee qui attire les foules. Amanda Gripp tenait le bar du Pee-wee depuis 8 ans. Elle vivait dans une caravane installée à demeure sur un terrain d'une 50aine d'hectares qui avait fait partie d'un grand ranch et qui avait fait faillite au cours des années 60. Elle avait un jardin et un pommier maladif qui survivait grâce aux seaux d'eau qu'elle allait puiser au Dock Ear Creek, cours d'eau non négligeable qu'ailleurs on n'aurait pas hésité à appeler rivière. Entourée de ranchs, encerclée par une culture qui exaltait la race bovine, Amanda dissimulait sa profonde aversion pour les vaches et était végétarienne en cachette. Sa mère, elle-même, qui avait encore quelques bêtes, ne s'en doutait pas. Le calendrier accroché à côté de la caisse du Pee-wee l'irritait sans cesse avec des photos sur papier glacé de bétail en compétition. Ces jours de congé, Amanda goûtait un parfait bonheur dans son jardin où elle bêchait ses plants de tomates et de haricots. La masse d'air pur qui dévalait de la trouée granitique du col d'Angle Iron exhalait une saveur pierreuse qu'elle appréciait après les odeurs corporelles et l'atmosphère enfumée du Pee-wee. Les terres situées de l'autre côté du Dog Air Creek avaient appartenu à Frank Frink, le propriétaire du ranch Red Crayon. Mais Frink avait vendu son domaine l'année précédente à une grande société qui avait investi abondamment dans l'élevage du bétail et possédait sous le nom de J.J.J. Ranch des terres au Texas, en Californie, au Montana, au Nouveau-Mexique et dans le Wyoming. Dans le pays, on parlait du triple J ou des hameçons. Le régisseur en était Otis Wainwright Ranch, individu d'aspect gélatineux qui avait de grands cercles noirs autour des yeux, comme si perpétuellement il sortait d'une bagarre et venait de se faire pocher les deux yeux. Ranch était un adepte du rendement maximum et ses employés suivaient ses directives, y compris quand cela impliquait de faire brouter les bêtes sur les terres d'autrui en leur ouvrant la grille et même en sectionnant une clôture. Comme les vaches du ranch avaient épuisé toutes les ressources que leur offrait une terre pauvre, couverte d'armoises et de broussailles, les hectares d'herbage d'Amanda Gribb valaient n'importe quelle prise de bec avec la propriétaire. D'ailleurs, Amanda n'étant qu'une femme, Ranch et ses hommes ne s'attendaient pas à une grande résistance de sa part. Tout au plus à des gloussements de femelles furieuses. De son côté, Amanda était bien décidée à empoisonner Ranch et les ex-forçats qui l'employaient s'il se montrait au bar et demandait à boire. La chose était improbable, car les gens du ranch fréquentaient le Moody's Hole ou buvaient en solitaire dans leur camion sinistre. Il était minuit passé quand Amanda Gripp rentra chez elle. Elle gara sa voiture en face de la caravane. En descendant, elle posa le pied sur une bouse fraîche. Dans l'ombre, elle entrevit une masse sombre qui bougeait à côté de la caravane. Elle alluma la lumière qui éclairait son perron et vit 5 vaches noires à tête blanche. Ce qui restait de son précieux plan de pivoine pendait de la mâchoire de la vache la plus proche. Elle saisit son balai et courut en criant vers les bêtes qui s'éloignèrent tranquillement dans l'obscurité. Elle s'était tordu la cheville et était de fort mauvaise humeur. Au petit matin, elle put apprécier la situation. Son jardin était dévasté, Partout s'enfonçaient les empreintes des énormes sabots qui avaient réduit en pulpe les jeunes plants de tomates et déchiqueté les tuyaux d'arrosage en plastique. Cassé net et sauvagement piétiné, le pommier n'étant plus que fibre filandreuse. Presque rien n'était récupérable. Elle passa ses premières heures de la matinée à pourchasser les vaches en boitillant à cause de sa cheville tordue et en les maudissant, car à peine avait-elle franchi le gué et traversé la rivière que, tournant le dos aux champs dont l'aridité leur était familière, les bêtes repartaient vers la terre d'Amanda. De toute façon, elle savait que la nuit, on sectionnerait de nouveau la clôture. Elle avait constaté l'ouverture pratiquée, vu les fils fraîchement coupés, et qu'elle pourrait revenir tranquillement. Quand elle eut refait passer la rivière à la dernière vache, elle s'assit sur une marche de la caravane, accablée par le désastre. Un panache de poussière sur la route lui apporta un peu de réconfort. C'étaient les frères Bitstrup. Je pensais que vous travailliez pour les hameçons. Nous avons dit non à Ranch. Il y a bien assez de boulot pour nous par ici. Nous n'avons pas besoin de travailler pour lui. En 10 minutes, la clôture fut réparée. Avant de repartir, Tug se hissa sur la première marche de la caravane et appela Amanda qui était à l'intérieur. Amanda! J'ai entendu parler de quelque chose qui pourrait t'intéresser si tu arrives à emporter l'affaire. Un type de Whitland aurait une clôture en grillage d'une hauteur d'1,50 m qu'il serait prêt à vendre. J'ignore quel est son prix, mais cette clôture ferait réfléchir tes bonhommes. C'est drôlement coton, ces grillages. J'ai le numéro de téléphone si tu veux appeler le gars. Nous pourrions aller ramasser le matériel si ça marche. Amanda nota le numéro et partit pour le Pee-wee. Ce que les frères Bitstrup ne savaient pas, c'est que ce compte en banque était à peu près à sec. Si le grillage n'était pas cédé pour une somme symbolique, ce serait un coup d'épée dans l'eau. Elle téléphona pourtant au possesseur du grillage. Celui-ci expliqua qu'il avait en effet 500 mètres de clôture dont il voulait 3 000 $. Il aurait pu aussi bien en demander 3 millions. Cette nuit-là, les vaches du ranch envahirent le terrain d'Amanda par centaines. Amanda se réveilla. Elle avait l'impression que l'on secouait la caravane. Un tremblement de terre? Non. C'était des vaches qui devaient avoir des démangeaisons et qui se frottaient contre les angles de la caravane. D'autres paradaient dans leur propre fumier ou grattaient le sol avec ardeur. Une grosse rousse raclait ses sabots, on aurait dit qu'elle voulait les aiguiser. Les chasser à coups de balai étaient futiles. Les vaches esquivaient le balai et pirouettaient sur elles-mêmes comme si elles les conviaient à un jeu amusant. Dans sa frustration, Amanda saisit son vieux parapluie dont, à cause de la sécheresse, elle ne se servait plus depuis 5 ans, et se dirigea à pas lents vers la vache rousse aux yeux malicieux couleur noisette. Quand elle ne fut plus qu'à 1 mètre de l'animal qui ne la lâchait pas des yeux, elle ouvrit son parapluie d'un geste rapide en plongeant en avant avec un cri strident. La vache épouvantée sauta en l'air et s'enfuit. Mais une demi-heure plus tard, aucune vache ne prêtait plus la moindre attention au parapluie. Amanda fit un détour par Sac quand elle partit travailler. À Sac, elle s'arrêta chez l'artificier et acheta 50 fusées en bouteille. Le lendemain matin, les vaches durent affronter un véritable tir de barrage. La plupart coururent à la rivière, mais quelques-unes tinrent bon et bientôt, celles qui avaient fui reprirent courage et revinrent. Elles ne bronchaient que quand la fusée leur arrivait de plein fouet. Ces vaches étaient vraiment diaboliques. Un ennui ne vient jamais seul. En dépit des protestations d'Amanda, qui déclarait qu'elle n'avait pas envie de travailler dans un bar pour sportifs, le propriétaire du Pee-wee, Lewis McCurskey, fit don de la vieille télé en noir et blanc, elle était muette de surcroît, au fond pour les pompiers volontaires et apporta au bar une énorme télé couleur qu'il installa au-dessus de la caisse en annonçant qu'il avait pris un abonnement au satellite, ce qui leur permettait de capter une centaine de stations. « Sans station de n'importe quoi !» riposta Amanda. « Sans station de football !» Ce n'était pas la première fois qu'on voyait un grand poste de télé dans un bar d'Eltouf. Le Silvertip disposait d'un poste géant à écran plat depuis plus d'un an, mais les propriétaires, Jacques et Martine Rondel, des Canadiens du Québec, qu'un hasard mystérieux avait conduit à Eltouf, ne l'allumait que pour des matchs de hockey et les courses de vélo qui avaient lieu en France. C'était le seul bar du Wyoming où l'on pouvait suivre le Tour de France. De fait, Erwin Hungate désertait le Pee-Wee pendant tout le mois de juillet pour ne pas manquer une seule étape de la célèbre course. Ensuite, pendant des semaines, sa conversation fourmillait de mots français et de références à l'Alpe d'Huez, au Galibier et à d'autres lieux tout aussi inconnus des habitants d'Eltouf. Willie Husson avait regardé une ou deux fois la course. Ça l'avait écœuré. Ces gens parlent tout le temps du pélican. Je n'y comprends rien. Pourtant, ce fut un programme qu'elle vit sur le nouveau poste qui inspira à Amanda sa brillante idée. Elle appela aussitôt sa mère du bar. « Maman, nous avons bien des cousins en Floride, je ne me trompe pas ?»« Oui, ma sœur Nina gère un petit hôtel près de Key West. Pourquoi ?»« Je ne sais pas. » Mais j'ai juste pensé que je pourrais prendre des vacances en Floride et leur faire une visite. Oh, c'est une idée épatante. Quand veux-tu y aller? Partir d'ici une semaine me ferait du bien aussi. Ce serait sympathique de revoir Nina. Je suis sûre qu'elle nous logerait à l'œil. Tu sais, c'est une idée en l'air. Je peux pas me payer de vacances en ce moment. Amanda n'avait aucune envie d'aller en Floride avec sa mère. « Donne-moi quand même son adresse, au cas où je pourrais partir l'an prochain. Et dis-moi, est-ce qu'elle est mariée et a des enfants ?»« Elle a épousé un type qui a une boutique de glace. Comme il y a beaucoup de touristes et qu'il fait très chaud là-bas, les glaces rapportent bien. Ils ont 3 enfants qui sont tous grands aujourd'hui, bien sûr. L'aîné est Walter, il est courtier d'assurance. Puis il y a Marnie, qui vit à Fort Lauderdale. » Je me souviens pas du nom du dernier, celui-là a toujours eu des problèmes. Son nom me reviendra. » Sa mère la rappela pour lui dire que le cadet s'appelait Don, s'occupait du matériel lourd, était toujours célibataire, mais n'avait plus de problèmes. Sa sœur lui avait donné les numéros de téléphone de tout le monde et paraissait ravie à l'idée d'une visite l'année prochaine. Elle pourrait certainement loger gratuitement à l'hôtel. Elle a employé le mot « gratis », ça veut dire « pour rien ». Au cours du week-end, Amanda appela son cousin Don. Des 3, il semblait le plus intéressant. Se présenta, donna quelques indications sur Eltouf. Expliqua son problème avec le grand ranch et l'idée qui lui était venue. Le cousin rit beaucoup et répondit que le projet était réalisable. Évidemment, le transport risquait de coûter cher, mais il s'informerait pour savoir s'il y avait des routiers, et il en connaissait 2 ou 3 qui étaient très bien renseignés, susceptibles de passer du côté d'Eltouf. Cela ne paraissait pas impossible. Don rappela plus tard dans la soirée. « J'ai été surpris, dit-il, de voir comme c'était facile. » Il y a une cargaison d'objets identiques qui part pour Calgary et le chauffeur dit qu'il peut passer par le Wyoming si vous vous arrangez pour le rencontrer quelque part. Il faudrait qu'il ne perde pas trop de temps. Son camion pourrait s'arrêter à... Ah, je ne sais pas comment ça se prononce. Gillette. Bon, Gillette. Comme Jill et Jack et Jill grimpèrent sur la colline. Il dit qu'il y a là un grand restaurant routier. Il peut se trouver à cet endroit dimanche soir à 10h30. Son camion est un grand Peterbilt, un machin en acier aux coloris irisés et pourprés. Sur le côté, on voit l'image d'un dauphin et la mention « Red Hill Bio Transport ». Il doit compter sur une petite douceur, disons 100 dollars. « J'y serai ». Amanda se creuse la tête. Comment pourra-t-elle se rendre libre dimanche soir ? Lewis McCurskey n'aimerait pas ça du tout. Elle se trompait. Lewis fut ravi. Un des pompiers volontaires avait un DVD des grands matchs de football des années 50. Vieux film en noir et blanc, remixé comme il se doit. Et ce DVD, Lewis avait très envie de le voir sur le lecteur de DVD qui accompagnait son nouveau poste. D'organiser une soirée entre amis, sans Amanda, pour les déranger en passant sans cesse son chiffon sur les tables et sur le comptoir. Il téléphona à ses vieux copains des volontaires du feu, appela ensuite le fournisseur de pizza de sac et commanda 12 pizzas aux poivrons et aux oignons pour cette petite fête intime. Inutile de livrer, quelqu'un passerait prendre la commande. Le trajet jusqu'à Gillette représentait 6 bonnes heures de conduite sur de petites routes et des cols avant de rejoindre enfin l'autoroute à Buffalo. Elle avait nettoyé l'arrière du pick-up et installé le toit de sa caravane. Comme cela, sa cargaison ne serait pas trop refroidie par le vent. À 9 heures, elle était arrivée au routier où elle se commanda un menu du jour. Une grande assiette de frites avec du poisson-chat, frit accompagné dans un sachet de plastique de mayonnaise relevée d'un vague piment et baptisé sauce tartare. L'endroit était bondé de routiers qui avalaient tasse sur tasse de café et s'empiffraient de pâtisseries. Amanda commanda aussi une pâtisserie, une meringue au citron qui avait le goût d'une sauce tartare sucrée. Peu après 10 heures, le camion de Red Hill Bio Transport s'arrêta au parking derrière le restaurant. Le chauffeur, un type plutôt âgé et moustachu, sauta à terre. « Miss Grip ? Oui, appelez-moi Amanda. Je vous suis reconnaissante de ce que vous faites pour moi. Heureux de vous rendre service. C'est votre camion ? » Il regardait son pick-up d'un air sceptique. « J'espère qu'il est assez grand. » « S'agit de 2 caisses de bonne taille. Vous avez quelqu'un pour m'aider à les décharger ?»« Moi ?» répondit Amanda en gonflant ses biceps. Mais la première caisse était très lourde et ils durent déployer des efforts considérables pour ne pas la laisser tomber. Sur quoi, le chauffeur, qui s'appelait Neil, la pria d'attendre un instant, disparut dans le restaurant et ressortit avec 2 gorilles chaussée de bottes de cow-boy. En moins d'une minute, les 2 caisses se trouvaient dans son pick-up, solidement attachées avec une grosse corde. Amanda donna 10 dollars à chacun. Elle remit à Neil le billet de 100 dollars qui lui revenait enroulé dans un petit étui cylindrique. Son compte en banque était vide et le resterait jusqu'au jour de sa paye. Le retour à Elk Tooth se fit à petite vitesse. Amanda conduisait avec prudence. Les cerfs étaient dangereux au petit matin quand il faisait trop sombre pour éteindre les phares, mais pas assez sombre pour qu'ils éclairent vraiment. Quand elle s'arrêta chez elle, elle ne vit que 2 vaches. Mais de l'autre côté de la rivière, le troupeau se préparait à donner l'assaut. Elle essaya sans succès de remuer la caisse du haut. La vache rousse se tenait sur la rive d'en face. Le mouvement de rotation de sa tête faisait penser à des exercices d'assouplissement comme on en pratique dans le yoga. Amanda interrompit ses efforts inutiles et courut dans sa caravane où elle composa un numéro qui lui était familier, celui de Krill Smudzinski, avec lequel elle sortait 2 ans auparavant. « Porter des caisses ? Amanda, il est 6 heures du matin. Non, 4 heures. Je ne suis pas levée, je n'ai pas pris mon café, je ne suis pas habillée. Tu as deux quoi ? Faut que je voie ça. J'arrive. Prépare-moi du café. Les deux caisses reposent côte à côte dans l'air cru d'un petit matin au Wyoming. Équipée, Amanda d'un tire-clou, Krill d'un pied de biche, ils ôtent les derniers clous qui retiennent les couvercles des caisses et tirent à l'extérieur les longs et lourds sacs de toile qu'ils traînent avec peine jusqu'au bord de la rivière. La vache rousse, son veau et leurs acolytes en robe noire sont formés en phalanges et s'avancent en barbotant dans la rivière. « Dénoue ton sac !» dit Amanda d'une voix basse, tendue. Presque au même instant, deux longs museaux émergent des sacs de toile et les premiers alligators à nager dans les eaux du Wyoming depuis des milliers d'années plongent dans la rivière et se dirigent vers la vache rousse. De leurs flancs cuirassés, partent dans l'eau de longues ondulations menaçantes. « Nom de Dieu, regarde-moi ça !» dit Krill. L'interminable voyage depuis la Floride a aiguisé l'appétit des reptiles au plus haut point. Même si la vache rousse n'a jamais vu d'alligator jusqu'à présent, la vue et l'odeur de ces deux-là réveillent en elle une terreur atavique. C'est bien autre chose que des parapluies. Elle tourne casaque, nage dardard vers la rive qu'elle escalade au galop et fonce à travers la clôture du ranch à la vitesse d'une locomotive. « Grouille-toi, sœurette !» vocifère Amanda. « Bon sang ! » crie les prêts de retomber amoureux d'Amanda. Ça valait la peine d'être réveillé. « Mais que feras-tu quand viendra l'hiver ? Tu les installeras dans ta caravane ?» Amanda rit. C'est des alligators de location. En septembre, ils retournent en Floride. J'ai un copain routier qui viendra les ramasser. Tu es prêt pour ton café ? Eh bien, voilà, voilà. La longue histoire, finalement, des vaches qui attaquent le jardin d'Amanda. Et voilà, donc une petite musique, Jim Wine, j'aime bien en ce moment, World Mule. À tout bientôt sur Radio Gémozo. Mm-hmm.